fire on the track. Quand tout est cassé, je donne l'espoir comme Jean-Louis Gasset. Je me fais discret, mais je sors un album si vous m'agacez. Je fais pour tabasser, toujours avec le même phrasé. J'arrive comme Bolly, dans la surface du Milan AC. J'ai le regard classé, blasé, des phases de tout ce qui s'est passé. Ça peut se dépasser, brasser, tasser. Quand c'était pas facile, je peux où t'es passé. Je fais plus le même trajet pour me déplacer. Flow AK-47, là c'est déclassé. Lunettes camouflées, AK-47 classé. Ma voix une guitare, là j'ai décrassé. Mais on est où là? J'ai jamais fait le mafieux ou la moula. J'leur fais une joga bonito à la enjoy ou à la unai. Mais on est où là? J'ai jamais fait le mafieux ou la moula. J'leur fais une joga bonito à la enjoy ou à la unai. Nouveau casque à rail, j'kiffe. Dans le dos, trace de griffe. Dans la poche, y'a le 10. Nique tes pères adoptifs. T'as l'air étonné. Pendant qu'on souffle, nous on sourit. Au fond de ma ville, faut prendre des risques pour se nourrir. Ouais, je joue pas de rôle. Ouais, t'en as ma parole. Hein, jusqu'à l'auréole. Ouais, tout pour la daronne. Le reste on s'en cogne. Plus jamais les jaunes. Additionne les sommes. J'arrive en loco loco. On s'était cachu coco. J'tournais en ville sur la moto. Je ramenais le bail d'un choco. Choco chocolat. Mélange sans Coca-Cola. J'la tartine comme du Nutella. J'm'en ai mis sur son Margiela. J'ai besoin de faire rentrer 700 cas cette année. Chaque fois que je leur dis mes projets, je fais que de stagner. La vista comme Maradona, on va te radar comme Cantona. Je suis pas rentré sur le terrain, mais j'ai fini sous ballon. Je mets l'essence sur le calumet, pas calomnier, je suis dans le colima. Rien à foutre l'anonymat, on se contente de ce qu'on a dans le minimal. D'or c'est l'argent que fait animal, discret avec et Bardonia. Dans le déni, on pense qu'à tout nier. Je veux des millions et tout niquer. Contradictoire, je reste. Et parfois, je manque de politesse. On manifeste des mauvais gestes. L'État nous baisse, la police blesse. Pas de maladresse, pas de mal à veille. Que je changerai la justice à deux vitesses. Vas-y, écarte-toi. Loin des SS, loin des hasards qui volent pas droit. Calibre dans le sac Birkin. Petit accent comme Jane Birkin. Sur la plage à Cannes, je fume la Marie-Jeanne avec la fille de Jane Birkin. Ça kick en vol de trois petites rimes. Cardini, Kimi, Silorini, Lil Kim. Miel liquide, wicked, lyrics, mystique. On est sur la même rythmique. Pour les mettre KO, au cas où, nous on mouille le maillot. Ils carburent au caillou. Assez haut, je suis perché, mais je suis pas, je sais pas où. Je suis dans le studio comme Kaku. Ce que tu regardes droit dans les yeux. Les méchants de la rue. Y'a des bonnes affaires sur le bleu. Les rues que t'as pas vu. Ce que tu regardes droit dans les yeux. Les méchants de la rue. Y'a des bonnes affaires sur le bleu. Les rues que t'as pas vu. Un homme averti en voit deux. C'est laï, laï, laï, laï. On va tracer ton cassé. C'est laï, laï, laï, laï. Quand je viens, les minots veulent passer. C'est laï, laï, laï, laï. Tu n'es qu'on va te faire glisser. C'est laï, laï, laï, laï. Je te dis, je me sens pas vissé. Solidaire, les bandits torse. Proche comme les bandages, j'y danse. Chérie, c'est 48 heures. Pourtant, souffrant, ta pipasse. Pas de savage, t'amène la pasta, la patata. On est vrai peine, élevé au patatap. J'ai que des vrais frères là depuis le bac à sable. Nous, on va passer, ou Galex, c'est pas passable. C'est les pirates, c'est les pirates. Tu peux galoper, tu es même un pas du pilote. Tu peux pas me louper, tu as sa pêche dans les virages. La soutien groupée, si tu fais chez nous ton pillage. Drap à tchouper, pas besoin de ta vira. Prototype lagnac, y'a la frappe à la tequila. Jérémy Boga, Bouba Camara, et je suis là. Maman, faut la villa. Où je retourne la ville, où je fais comme la Sémila. Sac Chanel pour ta folle, tu te mets dedans. J'préfère voir la maman assise devant dans l'avion. On a repeint les murs cette fois qu'avec les vrais. Prépare déjà le disque d'or, bande organisée. Y'a la guardia civile au quartier, c'est miné. La nuit même en règle, on évite la montée. Avec le G, j'suis dans l'Audi. On fait trembler la L2, t'entends le bruit. Hey, down, le rap c'est ma cam. Mon arme le calame, mes textes mon épargne, mon mic crache des flammes. Moi, j'suis béni par ma, moi, j'ai toujours la gagne. Quoi, donne-moi une scène, un mic, mon binôme, monte l'enflamme. Fuis de l'école du micro d'argent. Troisième meilleur fait Fayam, on est le premier contingent. On a brûlé tout Paname, nos voix résonnent comme un aux armes. Aux armes, comme on dit, j'suis infâme, j'fais danser la première dame. On a dit qu'il t'a serment, un petit cappuccino. Organisé, très simpliqué, Matrix, c'est comme les bambinos. Ceux qui parlent me font la bise, mais je vois pas fou, je suis pas les ouais. Dans la zone, je sonne en bombe avec le J, je suis dans les ouais. Enfin, je suis dans la Gova. Y'a 2, 3, 4 dans l'Audi. Des billets couleur gazon. J'esquive ceux qui sont maudits. Une déclare pour ma Lova. Elle dit bien que c'est ma gadi. Mais tu connais la zone. En tout cas, c'est comme Broly. Ce que tu